Yo, big up à ceux qui sont sortis de la rue. Ce message pour tout le monde. Every people, let's go, on start. Faut que je porte pas relaxé. Faut que je sois hype et tout est déshabillé. C'est pas ma faute, si c'était tout à mes pieds. J'en envolant toute la fucking journée. J'suis pas un band, j'te l'aime. C'est cool, rhyme et toute sa vie. J'en pense à mes folies. J'suis loin d'être un junkie. Même si de temps en temps j'pop des juicy. So fuck that, I'm back. You don't like me, kill me. Ça c'est du réussi. Parce que c'est pas garanti que t'aimes à poser ici. Des carpies ou change de pays. Parce que c'est quand j'ai des yeux rouges que j'suis crazy. Tu es pensé. Parce que tu peux t'en faire plein d'ennuis à toi pis à tous tes amis. Tu peux t'en faire plein d'ennemis comme un touch me. Quand on parle de problème, moi et ma clique on s'amène. J'aime toujours la game, je représente qui c'est mon emblème. Dans mes yeux j'ai de la haine, tu crèches de blague sur scène. Tout le monde le voit, je suis champion, c'est mon arène. Quand je commence, je deviens dingue. Moi c'est Charles, un quartier défavorisé, un peu banal. C'est plein de jobs, ça, tout le monde est illégal. J'te offusqué, j'suis obligé de me prendre un gilet pare-balles. Me promener dans ma ville natale, oui j'te parle à Montréal. C'est la salle, c'est aussi infernal que fatal. C'est PSC, un titre de faire tirer une balle. Faut que je trouve la bonne issue pour me sortir de deal de la rue. D'un fois je prie à Jésus, mais je pense à Satan comme quand j'étais petit cul. C'est un business de femme nue ou habillée en petite tenue. Un tissu très mince que j'en échappe mon jus. J'en ai plus que vu, j'en ai vécu. Quand je te parle la rue, je te parle le cul. Hey yo, je suis déçu, la vie nous chie dessus. Check qu'est-ce qu'elle nous amène. Plein de problèmes, plein de haine. J'ai pas une crise de scène. Tu vois bien que c'est que la rue qui mène. Si elle pense qu'on l'aime, elle se trompe. C'est rempli de chiennes qui se pique dans les veines. Chris, à fois son système, elle a beau prier, crier. Mais elle sortira jamais de ce merdier. Parce qu'ils ont pas de pitié, te lâcherai pas jusqu'à temps que ta dette soit clairée. Ils vont te payer, mais toi tu vas le gaspiller pour te piquer ou pour te le mettre dans le nez. Plein de fois tu vas pleurer, tu vas te blesser, puis tu vas finir par te faire tuer. Hey yo, la rue c'est vraiment une game, c'est pas pour rien que plein de haine. Tout le monde se tire, yo goddamn. Mais pourquoi autant de problèmes dans le fucking système? Quand je regarde tout ça, ça me fait de la peine. Pourquoi vivre quand y'a personne qui s'aime? Dans la merde on s'entraîne, jusqu'au cou ça vaut-il la peine de faire un peu de peine? Mais j'écris tout ça avec le bout de mon pen. C'est là que les idées se tiennent. Ils sont toutes riches, moi j'ai pas une crise de scène. On fait du rouge à lèvres avec du gras de baleine. Viens faire un tour dans ma rue urbaine. Y'en a qui se prennent, y'en a qui deviennent juste des chiennes à force de marcher dans un guet. Une matraque ou un couteau. Le monde se défend, jamais avec un stylo. Ce serait peut-être plus beau, ce serait avec un micro. Mais non, mais ils préfèrent sauter dans leur auto. Sortir un gun pis viser une tête, yo. Mais faire de la prison c'est nono. Moi j'aime mieux me promener avec mon vélo. Avoir rien à me reprocher quand je vois la popo. Y'en a qui veulent ma peau, mais je m'en fais pas avec ça. J'ai plein de monde qui check mon dos. Mon bac est surveillé par des gros. T'entends-tu ce que je dis, gros? C'est un problème, tu sais c'est quoi mon numéro, for real, yo. Yeah, c'est un problème, c'est quoi mon numéro, gros, for real, yo. Yeah, c'est ma rue, la vraie, t'entends ce que je dis, gros.